بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. N'a-t-il pas déjoué leur manœuvre? Il leur a envoyé des bandes d'oiseaux qui lançaient sur eux des cailloux d'argile, les réduisant à du foin broyé.